savais comme elle t'aime, tu ne la ferais plus souffrir. Tu résoudrais son problème et retiendrais tes soupirs. Si tu levais l'anathème, tu la referais sourire, s'occuper de tes chrysanthèmes, lui éviterait de dépérir. Papa, quand tu vas partir, c'est sûr tu vas la faire pleurer. Crois-moi, quand tu vas t'assoupir, pour sûr, tu vas la délivrer. Si vous saviez comme elle l'aime, vous n'oseriez rien lui dire. Retiendriez comme emblème qu'elle n'a rien d'autre à offrir. Vous poseriez un diadème sur son front pour l'anoblir, car le message qu'elle essaime est d'aimer jusqu'à en mourir. Maman, quand il va partir, c'est sûr tu vas beaucoup pleurer. Crois-moi, quand il va s'assoupir, pour sûr tu seras délivré. Moi je le sais comme ils s'aiment et je ne peux qu'applaudir. Je serais un grand Nicodème sur leur sort de m'apesantir. Que de vouloir quand bien même la vie s'accroche aux souvenirs, lueur d'espoir d'un cœur blême, rapidement en finir. Maman, quand il va partir, c'est sûr je vais beaucoup pleurer. Comme toi, il y a déjà 10 années, faudra que j'apprenne à redormir.